Alors, il est venu à présent le moment de recevoir l'invité de ce soir. Alors, Marc de la Salle, auteur et conférencier, que je vais contacter à présent. Oui, bonsoir. Marc de la Salle? Oui, c'est moi-même. Bonjour. Bonjour. Tu es actuellement en direct. Ah, d'accord. C'est bien. C'est bien le direct. Oui. Et c'est un plaisir pour moi de te recevoir de nouveau à mon émission. Plaisir est pareil. Excellent. Et dans le fond, en préparation à l'émission, on avait discuté ensemble, puis j'avais retenu comme sujet celui de l'ennui. D'accord, oui, je me rappelle, oui, effectivement. Parce que tu avais écrit un article extrêmement intéressant sur ton site web qui portait sur l'ennui. Et étant donné que c'est un sujet que j'avais pas encore abordé dans le cadre de mon émission, mais je trouve que ça pourrait être intéressant, ne serait-ce que de débuter la discussion entre nous en parlant de comment tu conçois ou perçois l'ennui. L'ennui, c'est un mal-être de l'ego, d'abord, qui n'est pas capable de composer avec la vie. Donc, c'est à ce moment-là que l'astral a beaucoup d'outils ou est outillé pour attaquer la pensée de l'individu, parce que quand on est dans l'ennui, bien souvent, l'individu n'a pas de point de repère par rapport à ce qui est intelligent ou pas, donc il est plus facilement manipulable, disons. Allez-y. Je serais curieux de savoir quels seraient, selon toi, les moyens qu'un individu peut utiliser ou mettre en place pour se sortir de l'ennui. Oui, ça prend une grande présence d'esprit. Ça demande une grande capacité de l'individu de regarder sa vie à tous les moments. Donc, l'ennui, ça va être un gros enjeu dans les années à venir, parce que, étant donné que l'individu ou les individus sont sur-suscités, dans le fond, là, sont vraiment sollicités de toutes parts, il est très difficile, après coup, de voir c'est quoi la direction qu'on veut donner à sa vie, parce que pendant trop longtemps, on a compensé avec la société ses ennuis, puis on n'a jamais vraiment regardé qu'est-ce que c'était l'ennui. Je suis certain que si on demandait à 20 personnes de nous parler de leur propre expérience avec l'ennui, possiblement très peu seraient capables d'associer ça à une pensée astrale, dans le sens que où ils ont été pénétrés par une pensée astrale qui a tout simplement généré chez eux un manque d'éveil par rapport à la pensée. Puis ça sollicite par la suite une action de l'ego qui pense qu'il se sent pas bien, qu'il est pas à sa place. Donc directement l'ego va aller chercher un semblant de plaisir de vie qui en est pas un, mais c'est plutôt une compensation. Donc, ça va être très, très difficile, parce qu'on sait tous aujourd'hui que la société est très rapide et complexe, dans le sens qu'il y a énormément de sollicitations au point de vue de l'âme. Donc, c'est pas une sollicitation au niveau de l'esprit. Il n'y a pas énormément d'émissions de radio comme vous le faites pour solliciter un peu d'esprit chez l'individu. Il est beaucoup plus facile d'écouter la télévision, puis s'écraser devant la masse, puis tout simplement regarder. Donc, on réalise pas à quel point l'ennui est un grand problème pour l'esprit. Oui, puis en lien avec ça, étant donné que l'émission est interactive, il y a un des auditeurs qui a inscrit dans l'espace de clavardage, Peter, que l'ennui est un état d'âme forcément retardataire par l'inertie, la peur du mouvement et du changement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est tout réel parce que l'ennui, c'est un cover-up indirectement, c'est un couvert que l'ego se fait mettre par des pensées astrales. Donc l'âme et chapeaute tout ça. C'est évident que l'âme va chapeauter tout ça parce que l'âme va vibrer à la pensée de l'astral ou d'une pensée qui n'est pas nécessairement intelligente. Et ensuite, ben ça va donner ce que ça donne, dans le sens que l'individu ne voit pas qu'il vit de l'âme, puis c'est très difficile pour lui d'arrêter le frein de l'âme sur sa conscience. Parce que l'âme, au départ, est faite pour vivre de l'expérience. Donc, en tant qu'individu, on n'est pas alerte pour savoir qu'on vit de l'âme, on n'est pas alerte non plus pour savoir que de l'âme, ça va nous emmener dans un cul-de-sac. Puis le cul-de-sac, c'est quoi? Ben, c'est de jamais voir que l'ennui, au préalable, ça rentre par une pensée. Ça va être très difficile parce que même si on prend l'ennui puis on extrapole, il y a d'autres sujets qui sont indirectement liés également au fait qu'une pensée astrale entre dans l'individu. Et il va créer, inversement, c'est pas l'ennui qu'elle va créer, ça peut être l'excitation. Donc, essayer de voir l'ennui dans l'excitation, très difficile. L'individu, alors, il pense indirectement qu'il se génère en tant qu'esprit parce qu'il sent qu'il y a beaucoup d'énergie dans lui-même, mais c'est peut-être l'excitation de l'âme qui lui fait croire finalement que ce qu'il fait, c'est intelligent. Ça va être donc ce sera pas si facile que ça. Je sais pas si je réponds tout à la question. Mais en fait, c'est intéressant les points que vous amenez là. En fait, c'était plus un commentaire de quelqu'un. Puis ah, d'accord. C'est correct. Vous avez amené des considérations intéressantes là-dessus. Puis moi, je voulais aborder l'ennui aussi avec vous dans la perspective que actuellement notre société de consommation, voire même de surconsommation, ont généré beaucoup de divertissements avec l'industrie d'Hollywood, entre autres, au niveau du film, avec les nouveaux médias, que ce soit Internet. Et l'une de mes craintes, c'est que les gens deviennent rapidement blasés, ils deviennent éventuellement blasés de tout ça, parce que, comme vous le mentionnez, on est bombardé d'impressions qui vont nourrir puis surnourrir l'âme, tu sais. Oui, c'est ça, on est dans l'âge du voleur. Parce que l'âge du voleur, c'est de voler à l'homme sa notoriété par rapport à la société de consommation. Donc, il se fait voler son âme parce qu'il est amené à être toujours, toujours sollicité par un besoin non réel. Puis, si on regarde l'effet des jeux vidéo sur la jeunesse, ça les empêche, avec le temps, de faire des activités physiques. Ça les empêche aussi de rentrer en contact avec d'autres individus. Ça ne veut pas dire que c'est tout négatif, mais on n'a pas la mesure de ça en ce moment, parce que la société se maintient quand même. Elle est probablement sur le respirateur artificiel, mais elle se maintient quand même dans la surconsommation où chacun s'endette à crédit et il n'y a rien qui éclate, à part l'Europe qui est sur le point d'éclater. Oui, ben c'est ce que j'allais dire avec la Grèce, là. La Grèce, l'Espagne, l'Italie, ce sont tous des pays à risque. Et on est dans une spirale, okay, d'endettement sur la planète Terre. Et ça fait partie aussi du vol de l'identité de l'individu. C'est pas normal de s'endetter pour vivre une vie. Et on a beaucoup de difficultés à gérer l'ennui. Donc, on a beaucoup de difficultés à gérer son portefeuille parce que si on peut compenser avec la carte de crédit, on va le faire, parce que c'est un chemin facile. C'est un chemin facile pour tuer l'ennui pour un temps. Et la télévision, c'est un chemin facile aussi pour tuer l'ennui pour un temps. Passer une soirée devant un téléviseur, c'est correct, mais passer toutes ces soirées devant un téléviseur, c'est une problématique. Parce que c'est pas vrai que toutes les émissions sont bonnes. OK, il faut choisir qu'est-ce qu'on aime écouter, mais il y a beaucoup, beaucoup de... Le taux vibratoire d'émissions de télévision, c'est vraiment très, très, très abasourdissant à certains moments. Si vous écoutez, je sais pas, n'importe quoi, regardez une partie de hockey, vous allez voir que ça peut être agréable d'écouter une, deux périodes. Après ça, on peut être blasé. Mais ça, ça prend un taux vibratoire pour reconnaître ça. Ça prend aussi un taux vibratoire pour reconnaître que des émissions comme Occupation Double et Star Academy, ça fait quoi dans la vie d'une personne, ça? Ça amène de l'excitation. C'est pas possiblement pour ça que la société a besoin de ce carburant-là pour se manifester. Puis on est dans une société comme ça, encore possiblement pour 2 ans peut-être, le plafonnement de la surconsommation va probablement atteindre son plafond d'ici 2 ans. Puis il va y avoir des grands changements. Ça va, la question va être comment les gens vont pouvoir interagir avec avec la société, parce que ils vont être tellement loin d'eux autres mêmes, ça va être difficile pour eux autres de se ramener. Oui, puis peut-être que l'un des enjeux futurs de l'humanité, s'il y a une situation de crise financière qui s'installe dans les prochaines années, en tout cas du moins en Europe, ça s'aligne très bien pour ça, ben peut-être que les gens vont devoir arrêter de surconsommer et apprendre comment faire face à l'ennui dans leur vie au lieu de se jeter, comme vous le mentionnez, sur la carte de crédit et surconsommer. Ça va peut-être aimer un réveil à ce niveau-là. Oui, possiblement que l'ennui, elle sert à endormir la société au niveau de qu'est-ce qui se passe vraiment, parce que on peut être dans les deux pôles, on peut être dans la surexcitation parce qu'on a de l'argent et on pense que tout va bien, ou on peut être dans l'ennui tout simplement parce qu'on est dépressif par rapport à la vie. Il y a les deux enjeux qui vont jouer très fort sur la conscience de l'homme dans les années à venir, parce que il n'y a pas de centre de gravité ou de direction que la société donne. Donc, il va y avoir des plans d'austérité sur tous les continents, et les gens vont sentir que la vie leur glisse entre les doigts. Pour la simple et unique raison que cette société-là ne sert pas l'homme depuis longtemps. Elle n'a pas apporté de noblesse nouvelle à l'homme. C'est pour ça qu'on est dans la phase finale. Et ça va être très, très, très difficile pour les gens de comprendre que la phase finale, indirectement, c'est la mise à mort de l'ennui, la mise à mort de l'âme pour se réinventer. Si on peut pas faire le passage dans les années à venir vers une vie où le vide remplace l'ennui, mais c'est le vide avec l'esprit, ça va être correct, mais un vide sans esprit, ça va être très difficile. Donc, je ne sais pas comment la société va travailler ça, l'ennui, dans les années à venir. Pour soi, la meilleure façon, c'est vraiment, vraiment de regarder est-ce qu'on a des débordements au niveau de sa personnalité dans une journée? Et si oui, c'est à regarder. Est-ce qu'on écoute trop de télévision? C'est à soi de le savoir. Puis après ça, c'est sûr que si tu écoutes moins de télévision dans une soirée puis tu fais d'autres choses, tu vas t'apercevoir que peut-être que tu dois te connaître un peu plus, parce que la télévision, ça éloigne l'individu de lui-même. Et les jeux vidéo et l'Internet, il y a des individus qui passent énormément de temps sur l'Internet dans une journée. Quels sont leurs centres de gravité? Ça doit être très faible, parce qu'ils ne sont pas capables de regarder à fond quel est l'événement qui les pousse à être derrière l'Internet à tous les jours. Parce qu'il y a un événement qui nous amène à être derrière un mouvement qui est pas intelligent à la longue. Et est-ce que c'est l'ennui? Ça peut être l'ennui. Ou ça peut être d'autres sentiments. Mais l'ennui est probablement au centre de ça. Il y avait une question d'une auditrice. Alors, elle utilise le pseudonyme de Tante Adelaide. Elle dit, quand on s'ennuie dans le mental, est-ce que c'est parce que, là, je suis en train de la perdre, est-ce que c'est parce que nous interprétons émotivement un ralentissement des formes utilisées par l'esprit? Ben, c'est sûr que le mental, c'est une énergie qui travaille de différentes façons. Une personne qui a beaucoup d'énergie dans le mental peut être surexcitée aussi. Donc, la surexcitation va cacher indirectement une vibration trop haute astrale, parce que c'est un jeu, hein. La psychologie de l'homme va faire face à de grands défis parce qu'elle doit déterminer, entre autres, est-ce que l'ennui entre dans la conscience de l'individu lorsque son mental est actif, ou est-ce que lorsque cet ennui-là peut entrer lorsque son mental est absent? Et parce qu'on peut autant se faire astraliser, même si on pense qu'on est très très très présent à la vie, on peut facilement se faire astraliser parce que les forces de la noirceur ou les forces de l'âme vont toujours avoir une mainmise sur l'ego jusqu'à temps que celui-ci soit capable effectivement de vivre un vide total par rapport à l'ennui. Ça veut dire qu'il n'y a aucune pensée qui peut le pénétrer. Mais ça, c'est difficile de s'asseoir puis de voir où est-ce qu'on est amené à sa faille principale. La plupart des gens vont vivre une faille. Mais quand on est dans l'esprit, c'est certain qu'il n'y a pas de faille au niveau de l'ennui. Par contre, s'il y a une surexcitation, okay, cette surexcitation-là va être utilisée contre l'ego. Et l'ego va se réfléchir à un moment donné. Il va y avoir une pensée qui va rentrer. Ça va être possiblement une fausse réalité et ça va cacher tout simplement un autre enjeu. C'est pas nécessairement l'ennui que ça va cacher. Ça peut être un désir, ok, d'aller acheter quelque chose, par exemple un objet pour compenser. Mais à la limite, derrière ça, il y a possiblement encore l'ennui. Parce que l'ennui, c'est l'aspect le plus nocturne de la conscience humaine. Ah, c'est intéressant, parce que moi, je pensais que c'était la mort. Oui, mais dans la mort, il y a l'ennui aussi. Oui, la mort, c'est nocturne aussi, mais au préalable, si on meurt comme il faut, si on meurt en esprit, la mort n'est pas dangereuse en soi, parce que l'esprit est présent. Mais si on meurt parce qu'on a vécu une vie dont on pense qu'elle n'était pas à la mesure d'eux, il s'ensuit à ce moment-là une forme de sclérose au niveau du mental, et l'individu va mourir plus ou moins inconscient. Donc, s'il meurt plus ou moins inconscient, ça veut dire qu'il n'a jamais percé le mystère de l'ennui. Parce que mourir comme faux, ça veut dire que tu perces le mystère de l'ennui un jour. C'est vraiment, l'ennui, c'est vraiment un interdit. Dans le sens que on veut le cacher le plus possible à l'homme. Comprenez-vous ça? Oui. Il y en a plusieurs interdits au niveau de la conscience animale de l'homme, ou la conscience astrale, parce que ces interdits-là, ce sont des égrégores qui chapeautent la capacité de l'homme à ne jamais voir son intelligence. Donc, l'ennui fait partie de ça. L'ennui, c'est l'antithèse du savoir. Hein? Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est parmi les interdits, il y a l'ennui, mais il y a aussi la culpabilité. Il y a aussi le doute. Ce sont des interdits dans le sens qu'on ne veut pas que l'homme découvre la réelle identité de ces mondes astraux-là. Et ça, l'interdit est créé non pas par l'esprit, mais l'esprit va maintenir l'interdit jusqu'à temps que l'homme puisse percer sa propre conscience pour savoir comment il fonctionne, lui, quand il est intelligent. Tu sais, vous le savez quand vous êtes intelligent, comment vous fonctionnez, est-ce que vous... Et si vous le savez, c'est ça qui vous protège de vous faire voler votre conscience, parce que l'homme a besoin, au départ, d'un point de gravité dans sa conscience. Et ce point de gravité-là, c'est l'esprit. Mais l'esprit est facilement manipulable par des forces astrales parce que l'esprit n'est pas assez présent dans l'ego. Il faut que l'esprit descende dans l'ego pour que l'ego devienne, lui, la génératrice de conscience. Donc, je ne crois pas, ben, c'est sûr qu'on parle d'une fusion intégrale, là, mais je connais pas ben beaucoup d'individus qui peuvent pas dire qu'ils vivent pas une vie intégrale. C'est très difficile de vivre une vie intégrale parce que on peut se dire conscient puis être très présent à la vie puis sans faire passer une petite vite. Puis c'est cette petite vite-là qui, indirectement, va tout astraliser le reste et va tout bancaliser, supposons la parole de l'individu. Si vous avez regardé, des fois, il y a des gens qui vont lire des textes ou ils vont écrire des textes, et à un moment donné, ça va très bien, puis à un moment donné, ils se font passer peut-être un petit mot ou deux petits mots, puis vous remarquez que ces deux petits mots-là sont juste assez pour diminuer l'énergie du texte qui est écrit. C'est la même chose quand vous recevez des conférenciers à votre émission. Vous avez peut-être remarqué la même chose. Des fois, il y a des baisses d'énergie ou quoi que ce soit. Ouais, ben, oui, allez-y. Ben, c'est-à-dire que je comprends ce que vous voulez dire, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il y a des choses qui bifurquent, qu'on sent que la vibration est moins présente. Oui, et, oui c'est ça. Moi, ce que j'observe, c'est que la plupart des gens actuellement sont en évolution et tant aussi longtemps que l'énergie n'est pas stabilisée en eux, c'est sûr qu'il va y avoir tout le temps des moments justement où il y a des baisses, tu sais. Oui. Parce que c'est très difficile de maintenir un taux vibratoire très élevé si on n'est pas capable d'avoir la science de. Et la science de, c'est d'être capable d'adresser tous les mensonges interdits, un à un, et les dévoiler. Parce que supposons que vous n'êtes pas capable, c'est sûr que quand que regardez le principe, vous passez à travers un réseau Internet. Il y a certainement des entités de très haut niveau astro qui veulent pénétrer votre mouvement, même durant une émission. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc, on appelle ça des parasites ou encore des égrégores qui savent que votre émission allait se jouer ce soir. Qu'importe l'invité, c'est pas important pour eux autres. Tout ce qu'ils veulent, c'est de vous faire vivre un mauvais quart d'heure. Parce que s'ils font vivre un mauvais quart d'heure, ça veut peut-être dire, ah, ben, vous allez peut-être prendre la décision d'arrêter votre mouvement. Mais parce qu'au préalable, si vous le faites, supposons, on fait un mouvement parce qu'on a de l'ennui, c'est certain que la vibration ne sera pas la même. Par contre, si on fait une émission, mais on sait que on a l'autorité de la faire, cette émission-là. On a l'autorité de la faire. À ce moment donné-là, on rentre un peu plus dans l'énergie de sa conscience, qui s'appelle la capacité de dévoiler le mensonge cosmique. Et si vous restez sur le mensonge cosmique trop longtemps, puis vous n'avez pas l'énergie pour supporter la vibration, à ce moment donné-là, plus vous essayez de dévoiler le culte, plus les plans de la noirceur vont s'attaquer à vous. Donc, c'est pas surprenant que l'homme est très ciblé par la noirceur et l'ennui, parce que l'ennui... Imaginez, on est en train de faire une émission, là, puis il y a des gens qui se disent, c'est ça, c'est plate, cette émission-là. Donc, on peut penser que c'est plate si on vit l'ennui. Ou on peut penser tout simplement, c'est où est-ce que ça s'en va? On n'a aucune idée où est-ce que ça s'en va. Mais si... Par exemple, il y a une culpabilité ou une insécurité qui est vécue. C'est certain que l'ennui, à ce moment-là, va être utilisé dans la conscience de chaque individu. Elle peut être autant utilisée dans celui qui parle. Et à ce moment-là, le taux vibratoire de l'émission diminue. Et là, c'est à la personne qui interviewe de ramener le centre du propos pour que ça monte en vibration. Mais donc, vous voyez, c'est un jeu incroyable, l'ennui. Mm-hmm. En tout cas, on s'ennuie pas. À parler de l'ennui là à l'heure actuelle. Maintenant, on s'ennuie pas. Mais c'est intéressant parfois prendre des sujets comme ça, puis en faire une étude pour approfondir la dimension occulte qui s'y rapporte. Oui, parce que c'est un sujet très occulte, l'ennui. Même si au préalable, on pense que c'est juste un état psychologique de l'ego. C'est beaucoup plus qu'un état psychologique de l'ego. Je dirais même plus que c'est un état vibratoire de l'âme sur l'ego. Donc, pour que l'état vibratoire de l'âme sur l'ego soit comme ça veut dire qu'elle a, la mémoire ou l'archive des mémoires de la personne sont activées. Les archives des mémoires de l'individu sont activées par rapport à plein de choses que la personne a pu vivre dans sa vie. Et là, quand ça s'embarque, l'ego se réfléchit, puis il donne une valeur à ce qu'il dit. Il veut dire, ah, c'est vrai, ma vie est plate, ou j'ai personne dans ma vie, ou quoi que ce soit, mon travail est plate. Et c'est sûr que je suis presque certain que la plupart des gens qui sont en conscience ne font pas des travails très, très intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de se faire travailler en tant qu'ego. Et la plupart qui sont dans ce mouvement-là vont simplement dire si je peux aller chercher mon paycheck, mon chèque de paye, ça va faire mon affaire. Parce que il y a pas grande dimension à la conscience présentement. Il y a pas personne qui peut véhiculer ça à grand réseau. C'est beaucoup plus des petits réseaux comme vous et d'autres personnes. Et il serait dangereux de croire que ces réseaux-là n'ont pas leur raison d'être, par contre. Et c'est pour ça qu'il faut savoir pourquoi est-ce qu'on fait son mouvement. Et la parole va faire le reste. Puis les interdits vont être dévoilés au travers le mouvement de la parole, parce que la parole, c'est, en gros, c'est l'administration intégrale de tous les plans invisibles sur la conscience de l'homme. Donc, c'est l'homme qui gère tous ces plans-là lorsqu'il réussit à parler d'une façon intelligente et de composer avec le mensonge cosmique. Parce que le mensonge cosmique va toujours être là tant et aussi longtemps que l'homme n'aura pas traversé lui-même le désert de sa conscience, ce qui veut dire, en gros, qu'il a mis à jour l'ennui dans sa vie personnelle. Puis l'ennui, ça prend différentes tournures. On se lève le matin et on n'a pas trop le goût de vivre sa journée. Ça peut être, on n'a pas le goût de trop faire de choses difficiles. Ça, c'est correct. Si on est capable d'identifier qu'on n'a pas beaucoup d'énergie et on veut se protéger, c'est correct. Par contre, si dans une journée, par exemple, une fin de semaine, on se retrouve à être seul, il est facile à ce moment-là de pas se générer parce que on est soi-même assujetti à une gestion totale de soi, puis on peut se faire éteindre par l'ennui. Alors que quand on est avec d'autres, c'est très facile de vivre simplement une vie active. Mais les êtres qui sont en conscience sont rarement dans des vies très, très actives au niveau de la famille. Et oui, ils peuvent avoir une famille, ils peuvent, mais en général, ce sont des individus qui sont assez isolés pour la simple et unique raison que l'intégration de leur conscience est très importante pour assurer sur la Terre un certain rayonnement lorsque ça va aller mal. Donc, il y a seulement des individus qui sont mis en initiation qui peuvent établir qu'effectivement, les chocs de vie dans une vie initiatique, pour savoir la vie, ça passe par énormément de chaos. Donc, pas chaos par rapport à vous autres mêmes, mais de chaos par rapport à la vie qui vous entoure. Donc, ça va avoir énormément d'opposition. Beaucoup plus qu'une personne qui a de l'argent ou beaucoup plus qu'une personne que c'est facile pour elle d'aller travailler. Quand on parle d'ennui pour ces personnes-là, c'est pas tellement grave parce qu'ils sont jamais, ils seront pas conscients dans cette vie-ci. Mais pour une personne qui est en cheminement de conscience ou qui a commencé à regarder sa vie, l'ennui devient très, très important parce que c'est une porte d'entrée astrale. Et quand on est isolé soi-même, là, vivre une vie de seul, puis on sait bien, il n'y a pas grand place qu'on peut aller où il y a de la conscience. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont seuls et puis ils ne peuvent pas parler avec des gens parce que les gens ne sont pas capables de recevoir qu'est-ce qu'ils disent. Et c'est pour ça que la conscience, une des choses que la conscience a établie, c'est que une personne va toujours avoir quelqu'un avec elle pour développer sa conscience. Et si les deux personnes sont capables de s'identifier l'une et l'autre, ils peuvent se protéger de l'ennui l'une et l'autre. Il y a tout, si on regarde ça, chaque personne a un contact intelligent avec quelqu'un d'autre. Des fois, si on on se met à interpréter l'autre, on peut penser qu'il se fait astraliser. Oui, peut-être qu'il se fait astraliser, mais n'empêche que ça demeure le contact le plus intelligent que la personne peut avoir avec une personne. Ça se peut qu'on fasse un chemin seul pendant un certain temps, puis à un moment donné, il nous présente une personne parce que ils veulent nous montrer comment on gère notre propre ennui. Puis c'est vraiment des malades, les autres en haut, là. Ouais, ben c'est ça, c'est que par rapport aux forces, des fois on se demande, justement, comme vous parliez de solitude, pourquoi que l'être qui, tu sais, s'individualise, se conscientise, vit une solitude et souvent de l'ennui, puis comment? Extrême, hein? Oui, ben c'est ça. Allez-y, c'est votre question, c'était? Ben c'est que, ben, comme vous le mentionnez, des fois c'est de la solitude extrême et le paradoxe, c'est que l'individu qui est seul, il n'a pas nécessairement de pouvoir d'agir sur la société, alors qu'il aurait le niveau de conscience puis l'intelligence pour le faire, tu sais, pour apporter des solutions, alors que plus qu'il est conscient, plus qu'il se détache du groupe. Oui, puis plus que ces solutions sont inadaptées à la société parce que c'est pas le temps. Et c'est ça, c'est très difficile à vivre pour les gens parce que on s'aperçoit que de plus en plus que l'homme ne peut pas aider l'homme. Même si vous savez bien les choses, puis vous voudriez communiquer puis changer la société dans une certaine façon, vous pouvez pas penser que votre émission va être à grand public. Vous savez déjà que bon, mais c'est limité. Et ceux qui vont écouter votre émission, ce n'est pas nécessairement dans un but d'aide, mais dans un but où vous le permettez de rentrer dans un contact autre de la vie qui a très peu été exploré sur la planète Terre. La conscience s'est très peu explorée sur la planète Terre. C'est probablement ça qui est le plus difficile à reconnaître, parce que il y a possiblement pas plus de 7-8 000 personnes qui peuvent tenir un niveau de conscience ou simplement de dire que la pensée vient d'ailleurs, c'est pas moi qui pense, puis il y a des gouvernements invisibles au-dessus de soi, puis connaître la gestion, ben là on tombe dans un niveau, il y a beaucoup moins de gens qui connaissent la gestion des mondes occultes par rapport à la conscience humaine, parce que c'est pas leur mandat nécessairement. Il y a des gens qui sont spirituels, puis ils vont l'être pour le restant de leur vie. Puis sans vouloir condamner la spiritualité, il y a énormément d'ennuis là aussi dans la spiritualité. Ouais, ben c'est sûr que la situation planétaire est pas nécessairement évidente. Puis moi, je trouve que le travail de l'individu qui se conscientise en bout de piste est ingrat. C'est ingrat. C'est très ingrat parce que les ficelles sont très, très, très tirées par en haut. Je crois que l'individu doit sentir qu'il est véritablement, la plupart du temps, une marionnette. Puis on tire les ficelles, puis lui, bien souvent, il ne sait même pas quelle ficelle qu'on tire. Dont, entre autres, la ficelle de l'ennui, la ficelle de la culpabilité, la ficelle du doute, la ficelle de whatever, de l'ego qui se réfléchit. Et à un moment donné, comment on arrive à départager tout ça? Ben, il faut aller au centre de l'ennui. Il faut que l'individu aille au centre de l'ennui. C'est quoi aller au centre de l'ennui? Ben, c'est d'établir pour soi-même qu'est-ce qui nous fait déraper dans une journée en relation avec notre esprit. Et moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce que j'ai trouvé comme remède à l'ennui, c'est la créativité, comme par exemple faire une peinture, écrire un texte, ce genre de choses-là. Ah, ça peut être ça, parce que indirectement, c'est difficile de savoir même si l'homme est vraiment créatif. Parce que faut pas oublier que la pensée vient d'ailleurs. Mm-hmm. Et si à un moment donné vous dites ah ben je vais faire une peinture parce que je trouve le temps plate, il y a des gens qui sont contents que vous faites une peinture, c'est certain. Mais en haut, vous pouvez être facilement utilisé pour faire cette peinture-là. Ce serait de regarder pourquoi vous faites une peinture. Okay? Est-ce que c'est pour passer du temps ou c'est parce que c'est un plaisir de vie? si c'est un plaisir de vie, puis vous décidez par vibration de dire, ben moi, je vais peinturer. Parce qu'on peut facilement utiliser l'impression d'être créatif. Et sommes-nous vraiment créatifs? C'est une très bonne question, parce que si on était si créatif que ça, on vivrait pas des vies comme on les vit présentement. On aurait beaucoup changé la stature de la matière, on aurait beaucoup changé la capacité de l'homme de voir la vie entre-temps, et c'est pas le cas. La créativité, c'est quoi? C'est de faire une peinture, mais qui descend la pensée entre-temps de la peinture? Est-ce que c'est réellement soi? Et la peinture, quel taux vibratoire a-t-elle? On n'est pas en mesure de savoir exactement qu'est-ce que l'on crée. Donc, si on savait vraiment ce que l'on créait, on aurait la capacité d'aller des mondes invisibles et de regarder d'où vient le mouvement de cette réalité-là et qu'est-ce que ça va engendrer sur la planète Terre. Être créatif, quand on est créatif, lorsqu'on sera créatif dans les années 2006-2007, ça va commencer vers ces années-là environ. Ben là, 2006-2007, c'est déjà passé. 2600. OK, oh boy, on s'en va loin dans le futur. Oui, on s'en va assez loin dans le futur. Parce que, est-ce que être créatif, ça veut dire que l'homme comprend intégralement d'où vient la pensée et qui il est par rapport aux énergies de l'invisible, d'où il vient et où il s'en va? Est-ce que c'est ça, être créatif? Ou être créatif, c'est simplement dire, ben là, je veux faire quelque chose de beau, puis on voit pas le mouvement de qu'est-ce qu'on fait. La créativité connaît déjà son mouvement. À la fin, quand l'individu va avoir entré dans la créativité, il va éliminer énormément de choses, sa planète. D'un simple regard, il va pouvoir changer la structure de l'atome. On peut pas changer la structure de l'atome présentement. Non. Donc la créativité, est-ce que ça sert à la spiritualité? La réponse, ça serait oui. Selon ce que moi je regarde de la vie, la créativité qu'on connaît, c'est une créativité qui est générée par l'âme. Vous allez me dire, est-ce que la parole, c'est de la créativité? Hein? Donc, la parole consciente, est-ce que c'est de la créativité? La parole, c'est un mouvement vibratoire. Est-ce que moi, je connais exactement l'impact que j'ai sur toutes les consciences quand je parle? J'ai une petite mesure, mais je pourrais jamais être sûr à 100%. Je suis certain que il y a des gens qui sont très choqués d'entendre que la créativité, ça va peut-être apparaître d'ici 2600. Qu'il n'y a pas énormément de créativité au niveau de la planète présentement. À ce moment-là, on a peut-être perdu énormément de gens en cours de chemin en adressant le sujet de la créativité. Pourquoi? Parce que l'homme veut croire qu'il crée des choses. Mais si on était capable de créer, est-ce qu'on vivrait sur une planète Terre comme on vit là? Non, c'est sûr, si les gens seraient créatifs, on serait pas aux prises actuellement avec des problèmes de pollution, d'endettement, puis des graves problèmes là, à grande échelle sur Terre comme on en a actuellement. Ouais. Puis l'homme serait-il malade comme il est malade s'il était si créatif que ça? T'sais, l'énergie de la lumière, là, si c'est si puissant que ça, il n'y a pas de maladie dans cette énergie-là. L'homme ne serait jamais malade s'il était créatif. Il se réinventerait sur le moment. Il saurait exactement qu'est-ce qui passe à travers son corps d'énergie. Il changerait toute la structure. On vivrait vitam aeternam. Pourquoi est-ce que la créativité est assujettie présentement à de la spiritualité? Pour permettre à l'homme de ne pas se suicider. Quand on découvre que ce n'est pas nous qui est créatif, mais c'est les forces de la lumière qui vont décider de descendre tel mouvement à travers votre parole ou à travers votre conscience pour l'écriture, pour générer sur la Terre un jour la liberté de l'homme. Et quand l'homme va être libre, là, on va pouvoir parler de créativité. Mais l'homme n'est pas libre des plans. Est-ce que vous en connaissez, vous, des gens qui sont libres des plans? Non. Bon, moi non plus. Puis je vous dirais que même moi, Marc de la Salle, je suis pas libre des plans. Je peux encore, à un certain niveau, être marionnettisé par le monde des forces mentales. Pourquoi? Pas dans le sens qu'on est possédé par eux autres, mais dans le sens, est-ce que vraiment on a percé tous les interdits? Est-ce qu'on a traversé le mensonge cosmique? Est-ce que vraiment, là, je peux aller m'asseoir, là, bon, me dire, ben, moi, je quitte mon corps, là, puis étant donné que je suis en fusion, puis je m'en vais sur les plans, puis je vais m'asseoir à l'Assemblée des Triades pour parler avec les êtres de lumière pour l'évolution de la Terre. Est-ce que je peux faire ça? Ben, si j'étais créatif, je pense que oui. Donc, moi, c'est comme ça que j'aborde la créativité. Oui, puis en lien avec ça, je serais curieux de vous entendre un petit peu sur le phénomène de flow qui est présenté dans le domaine de la psychologie, c'est-à-dire que quand on vit une expérience de créativité, entre guillemets, parce que c'est sûr, tout comme vous, je vois dans le sens que la pensée vient d'ailleurs, mais quand on vit une expérience dans laquelle on fait soit une peinture, soit la composition d'une chanson ou d'un écrit, et qu'on ressent une énergie qui passe, donc une intensité. OK. Ben, dans ce cas-là, ça sert à ajuster vos corps vibratoires. Ça sert pour plus tard à descendre, à élever votre taux vibratoire. Comme par exemple, une personne qui va parler à une émission comme vous, ou à écrire, par exemple, parce qu'il y a un taux mental où son esprit se génère à travers lui, il va remarquer que son taux vibratoire augmente à travers ça. Mm-hmm. OK? Puis, étant donné que son taux vibratoire augmente, il peut attacher de l'importance à la forme. Par exemple, oh ben là, il écrit puis il dit, ah ben c'est extraordinaire, qu'est-ce que je viens d'écrire, ou donc il se réfléchit parce que il est dans un état vibratoire puis il réussit à écrire quelque chose. Mais tout est dit au niveau de la lumière. Tout est su, tout est connu. Donc, si la lumière décide que vous allez parler de telle façon parce que vous avez l'étoffe vibratoire pour parler de telle façon, vous allez être capable de parler de telle façon, parce que d'autres vont indirectement s'assurer sur les hauts plans de la lumière que vous parlez correctement. Puis s'ils décident que vous allez vivre une programmation ou une mémoire d'âme en relation avec la peinture que vous venez de faire, vous allez en vivre une. Et ça, ils le savent. Et lorsque la régence planétaire va être établie sur la planète Terre, l'homme va le sentir que cette régence-là a beaucoup plus d'importance que qu'est-ce qu'il pensait au préalable. Parce que c'est un gouvernement invisible sur la régence planétaire. Et l'homme ne sait même pas qu'il y a des gouvernements invisibles sur les plans. En général, il ne le sait pas. Il ne sait pas quels sont les enjeux de la créativité, de la pensée et de l'ennui. Et l'ennui, c'est un interdit, tout comme la créativité est un interdit. C'est-tu la première fois que vous entendez ça, vous, ce soir, là, qu'il va peut-être y avoir de la créativité en 2600? Oui, ben c'est la première fois. C'est sûr que j'avais déjà entendu des gens qui parlaient que le taux de la capacité d'être créatif de l'individu augmenterait proportionnellement à son niveau d'intégration de l'esprit, tu sais. Ah, ça, c'est bien dit. Ah, ben oui, ça, c'est bien dit. Elle va ouais, mais ça ne veut pas dire qu'elle est descendue complètement à cette créativité-là. Parce que les forces de la lumière, là, ils savent très, très bien que si l'homme prenait un homme qui serait capable de composer avec la société et de changer la matière, OK, mettons, il serait capable de changer la matière instantanément. Il pourrait probablement se donner une belle vie, cet individu-là. Ben oui. Bon, moi, de tous les gens que j'ai entendus qui sont dans la conscience, il y a plein des gens qui disent qu'ils aimeraient ça, faire ça, ces situations-là, mais on est loin de là. Les Atlantes pouvaient se magnétiser à volonté, ils pouvaient se changer de forme, aller dans d'autres espaces-temps. Moi, je connais pas d'individus sur la planète qui vont dans d'autres espaces-temps. Il y a eu de Christ, il y a deux ménades. Mais à l'exception de ceux qui se disent très spirituels, puis qui font de la lévitation, puis qui considèrent que c'est de la créativité, c'est beaucoup plus un jeu d'ego que d'autre chose. Toutes les énergies des Indes avec les chamans, c'est beaucoup plus des forces astrales qui assujettissent la conscience de l'homme à un soupçon de créativité. Mais c'est une créativité qui vient de l'âme, parce que la créativité, quand elle va être vraiment sur la Terre, elle va créer un espace libre et de paix qui va être là en permanence. Puis, regardez, au niveau des gouvernements. Les gouvernements se rendent compte, ils sont même pas capables de s'entendre sur des enjeux planétaires. Kyoto est rejeté par le Canada. Donc, ça veut dire que c'est plus important le gaz que la pollution de la planète dans les années à venir. Fait que si ça, c'est les gouvernements, puis les gens votent pour ces gouvernements-là, c'est sûr que Harper, il est là pour un mandat de 4 ans ou 5 ans, mais il n'a pas été mis là pour rien. Il a été mis là pour créer des formes et engendrer indirectement une gestion qui va probablement dans le même sens que tous les autres pays de la Terre. On n'est pas prêt à s'endetter pour dépolluer la planète. On n'est pas prêt non plus à laisser les gens ne pas travailler pour dépolluer la planète. Ça veut dire quoi? On est prêt pour un chaos total. Donc, autrement dit, on se dirige vers l'apocalypse. Ben, on se dirige par l'apocalypse dans le sens que l'homme n'est pas capable de prendre des décisions intelligentes au niveau des gouvernements, puis il n'est pas capable dans sa vie personnelle de prendre des décisions intelligentes. C'est difficile de ne pas s'endetter, hein? J'avais remarqué, c'est très difficile de ne pas s'endetter. Tu sais, à un moment donné, quand on vit l'ennui, une personne va dire, bon, ben là, je m'ennuie, mais je vais compenser. Puis on est prêt à le faire à crédit. On est prêt à le faire à crédit. Puis c'est pas, on est prêt aussi même à prendre de la marijuana à crédit. Tu sais, sur le crédit du fait qu'on s'ennuie. Parce que, ah, ben là, je devrais peut-être fumer un petit joint ou prendre un petit verre. Tu sais, parce que, c'est correct de prendre un verre de bière ou parce qu'il y a une vibration qui peut suivre ça, ou il y a un verre, je sais pas moi, de scotch ou quoi que ce soit pour apprécier la beauté de la matière. Mais de là à se saouler, c'est un autre enjeu. Il y a de l'ennui dans ça. L'ennui de quoi? L'ennui de voir qui on est. Ouais, ben ça, c'est une autre dimension de l'ennui. C'est-à-dire que... Ah. L'ennui, ça tire sur tous les côtés, l'ennui. Ben oui, c'est ça. En lien avec la capacité à vivre avec soi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont se divertir parce qu'ils sont pas capables de soutenir leur propre présence, tu sais. Oui, oui, oui, oui. C'est un fait. C'est un fait de supporter le vide. De supporter le vide, d'avoir rien à faire dans une journée, de vouloir rien faire. Parce qu'on est habitué, on est tellement habitué à vibrer à des choses inutiles, à l'astral. On est tellement habitué que quand ça ne vibre pas, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et c'est là que c'est très difficile parce que les égrégores de la planète, les énergies qui descendent vers l'homme, ils sont très, mais très, très puissantes. Ce sont des énergies énormément puissantes parce que il y a plusieurs émissions de télévision qui sont simplement des courants astrales et les gens écoute ces émissions-là, puis à la fin, ils sont même pas capables de reconnaître, OK, leur taux vibratoire a diminué. Il y a aussi des magazines, il y a aussi n'importe quoi, comme le sport qui devient, ou la musique, surtout la musique qui devient aujourd'hui, la jeunesse, là, ils ont un iPod collé sur les oreilles, c'est quasiment 24 sur 24. Où ils ont un cellulaire, le BlackBerry ou le iPod ou le ouvert à longueur de journée. Allez voir dans les écoles, vous allez voir que la gestion de ces outils informatiques-là, puis les écoles sont toutes contentes d'avoir le Wi-Fi pour les élèves. Mais ça sert à qui tout ça? Ça ouais, sert à qui? C'est ça, c'est une excellente question que vous posez. Tu sais, on voit les jeunes avec leurs textos. Il y a toutes ces technologies-là qui sont facilement accessibles, puis qu'on a l'impression, en les regardant, qu'ils sont englobés littéralement par des égrégores d'énergie qui les gardent dans une conscience, une bulle, en relation avec l'informatique qui les coupe des autres. Oui, puis ils sont plus capables de socialiser. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent leur réalité à travers leur texto, comme vous dites. Ils vivent toute leur réalité à ce niveau-là. Oui, mais ça fait-tu des contacts, des échanges intelligents, ça, des textos? Parce que le but premier, parce que, OK, ici, on étudie les deux côtés. Toute technologie va servir la lumière dans un sens. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, parce que, dans mon point de vue, l'outil n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est l'utilisation qui va faire s'il est bon ou pas, tu sais. C'est ça. L'outil, c'est l'esprit qui doit l'utiliser dans l'homme. pour établir quel est le mouvement vibratoire intelligent du texto ou quoi que ce soit. Le texto, il y a une situation très claire, ça va accélérer la démocratisation de l'information. Donc, mais démocratisation peut aller dans les deux sens. Ça peut aller dans le sens astral comme ça peut aller dans le sens intelligent. Puis, il y a combien de pourcents d'intelligents? Des fois, c'est peut-être 1%. Puis le reste, c'est tout astral. Prenez la jeune fille qui s'est suicidée là, en Gaspésie. Mm-hmm. Comment ça a été récupéré par la noirceur, tous ces mouvements-là, par le texto. T'sais, la jeune, c'est certain qu'au préalable, c'est une forme qui est utilisée pour amener une personne à se suicider par la pensée ou quoi que ce soit, de ne pas être capable de dépasser une des failles, soit d'aller à l'école puis d'être indirectement le souffre-douleur. La personne, en tant qu'ego, n'a pas assez de ressources pour prendre une décision intelligente, donc l'astral se prend main mise, sa conscience, et elle voit un trou noir. Donc, si, mettons, elle avait pris la décision de ne plus aller à l'école du tout, peut-être qu'elle aurait vécu l'ennui de ne pas aller à l'école, puis c'est peut-être pour ça indirectement qu'elle a choisi l'autre solution. Mais d'une manière ou d'une autre, l'informatique et le cellulaire peut être utilisé pour accentuer des égrégores qui gravitent autour d'une conscience. Ça, c'est l'homme va devoir regarder ça, parce que ça fait partie aussi du vol de sa conscience. On est dans l'âge du voleur. Dans les prochaines années, l'homme va se faire voler sa conscience purement et simplement. Et quand que vous parlez du vol de la conscience, est-ce que vous l'entendez ici dans le sens que, par exemple, le diable va vouloir voler l'âme des êtres humains? C'est sûr que là... Y en a déjà qui vendent les âmes au diable. Ouais, c'est sûr, mais... Non, c'est beaucoup plus que les gens vont sentir l'oppression de la folie, beaucoup plus qu'avant. L'oppression de la pensée, que ça parle dans leur tête. C'est une personne sur cinq dans les années à venir qui va entendre des voix dans sa tête. Là, on est à peu près à une personne sur dix, donc c'est peut-être 10-15% en ce moment. Mais d'ici 4-5 ans, là, 7-8 ans, la société va être tellement oppressée et comprimée que les gens vont... imagine, aux États-Unis, ça doit pas être rose, tous ceux qui ont perdu leur maison, là. Donc, à travers le subprime. Donc, ces gens-là qui ont perdu leur maison sont très, très oppressés. Et quand l'oppression se fait, la pensée astrale, la pensée noire devient omniprésente. Et donc, c'est ça qui se passe. Le trou est sans fond après ça. Après qu'une conscience est habitée par une pensée noire qui reste, c'est une entité qui prend possession de sa psyché, et qui gravitent autour d'elle, puis le phénomène anorexique, le phénomène boulimique, le phénomène de la prostitution, c'est tout relié à ça, de la drogue, ce sont toutes des entités qui prennent possession de l'individu. Une personne alcoolique, c'est la même chose, elle a beaucoup de difficultés à dire qu'elle ne boira pas dans une journée, parce que l'entité chevauche sa conscience, et indirectement, elle s'est fait voler sa conscience. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir le vol de la conscience de l'homme, et ça peut être dans la consommation, de dire, ben j'ai besoin de m'acheter quelque chose de nouveau, là je trouve la vie plate aujourd'hui, donc un achat à crédit, c'est pas grave, je paierai plus tard, je ferai plus d'argent. Ça va comme ça, c'est ça le vol de la conscience. C'est un processus lent, mais constant. Donc, je serais curieux de savoir, est-ce qu'on pourrait mettre ça en relation avec ce qui avait été amené par Bernard de Montréal, à savoir qu'à mesure qu'on se rapprocherait des événements de fin de cycle, à mesure qu'il y aurait de plus en plus de gens qui développerait des problèmes de santé mentale, comme vous le mentionnez, ça créerait des tensions, là. Oui. Il y a énormément de tensions dans la société, effectivement. Il y a énormément de moments où les gens n'arrivent pas à se ressourcer parce que l'oppression est très, très forte. Tu sais, au travail, c'est pas jojo, la part des gens qui sont dans la société, qui travaillent, les infirmières qui sont dans les hôpitaux, les médecins qui font des heures beaucoup trop longues, les patrons qui en demandent plus à leurs employés. On n'est pas dans une société intelligente. Puis là, avec les compressions gouvernementales en raison des banqueroutes qui sont à la portée de chaque pays européen comme en Amérique du Nord, ça va crée énormément de compression sur la société et les gens vont craquer de tous côtés parce que c'est déjà difficile la vie de c'est déjà difficile de vivre une vie sans la comprendre. Imaginez quand que ça va vraiment mal. Jadis, la société n'allait pas si pire que ça parce que l'homme n'avait pas exploré à grande échelle le domaine de la consommation. Donc, il se contentait avec très peu de choses, dans le fond. Hein? Un enfant jouait avec un jouet, puis il pouvait passer la journée. Aujourd'hui, allez voir un enfant, combien il y en a de jouets. Puis les parents ont la pression à Noël là, d'aller en acheter d'autres, des jouets. Parce que les jouets de l'année passée ou le cellulaire de l'année passée, il est plus bon. Oui, il y a le phénomène aussi de la désuétude planifiée qui a été mis en place par la société de consommation, où ce qu'on a des biens qui sont jetables. Tu sais, c'est vraiment horrible quand on s'arrête à ça. Je veux dire, j'avais vu une vidéo où ce que il existe, par exemple, une ampoule qui avait été inventée en Europe pendant la période du communisme qui durait 25 ans, alors qu'ici, en Amérique du Nord, nos ampoules durent à peu près un an. Et oui, dans la vidéo ou dans le reportage, je le remettrai en ligne avec l'émission, c'est que les compagnies ici se sont regroupées ensemble, se sont entendues pour que la durée de vie de l'ampoule demeure toujours limitée, pour que les gens consomment beaucoup, donc qu'ils fassent plus d'argent en vendant, tu sais. Oui, ça c'est naturel parce qu'il y a énormément de choses que l'on ne sait pas et peut-être qu'on est mieux de ne pas en savoir trop. Parce qu'il y a des sociétés qui ont à chair la consommation et qui ont à chair le contrôle de tout l'argent sur la planète Terre. C'est tout relié à ça. Là, on rentre dans des terrains très, très, très occultes et l'homme n'a pas à s'occuper de ça trop, parce que sinon, il va perdre sa conscience. Ça, ça en est un autre, ce vol de conscience, de penser, de vouloir découvrir vraiment les enjeux occultes qui se passent sur la Terre. L'homme est beaucoup mieux de s'occuper de sa petite vie puis de regarder où il vit de l'ennui que de trop s'intéresser à la curiosité des sociétés secrètes qui a cours sur la Terre. Donc, juste un exemple, Lehman Brothers aux États-Unis était au cœur du subprime. Puis c'était une des seules compagnies finalement qui a été sauvée. Je suis pas trop certain, mais il y a de ces compagnies-là qui ont fait beaucoup d'argent à travers le subprime. Okay? Puis ils ont été financés à même le gouvernement des États-Unis. Puis encore aujourd'hui, ce sont des compagnies très, très puissantes au niveau planétaire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux. Qui est-ce qui décide de la décotation d'un pays, par exemple? Est-ce qu'on connaît vraiment les enjeux? Donc, nous autres, on n'est pas au milieu de la finance, parce que si on était au milieu de la finance, de toute façon, on ne vivrait pas la conscience. Mais, si on aurait des millions là, en banque, là, où on serait milliardaire, il y a très peu de gens qui sont milliardaires qui vont vivre la conscience. Ils vont vivre ce qu'on appelle l'altruiste. Ils vont vivre le don de soi pour la société, comme Bill Gates fait. Il y a aussi Steve Jobs qui, lui, avec Apple, qui pensait vraiment qu'il était dans la grande créativité, mais toutes ces inventions-là, tout l'ordinateur, c'est tout insufflé par les plans en fonction de ce que l'homme doit avoir pour se définir éventuellement. Donc là, on est dans l'ère de la technologie, l'âge des computers, puis bientôt, l'atome va être presque découvert, mais elle ne sera pas totalement parce que la lumière va s'assurer que la régence soit bien descendue pour que la gestion de cet atome-là soit faite. Et dans combien de temps? C'est peut-être très près, peut-être très, très près. Oui, ben je crois que Bernard Montréal parlait de 2070 pour la date ce qu'aurait la régence planétaire, là. Ouais. Ben c'est ça. Il y a des phénomènes qui vont se définir par eux autres-mêmes. Et nous autres, c'est beaucoup mieux. Si on veut vraiment rester dans le sujet de l'ennui, c'est à soi de regarder. Est-ce que ça pousse une curiosité chez soi? Tu sais, il y a des gens qui veulent en savoir, mais savoir pourquoi en savoir pour cacher son ennui? Parce que il n'y a rien à savoir. Ce que vous avez à savoir, c'est ce que vous devez vivre dans une journée pour être bien dans votre peau et avoir la paix dans votre tête. Ça n'est certainement pas une curiosité de savoir comment le culte fonctionne qui va vous permettre d'être bien dans votre tête. Par contre, ça prend une une base. La base, c'est de savoir que la pensée vient d'ailleurs. Et si la pensée vient d'ailleurs, à ce moment-là, vous pouvez étudier vos pensées puis regarder à quel moment est-ce que vous vous ennuyez d'une journée, à quel moment est-ce que la pensée vous envoie une réflexion que votre vie est plate. Est-ce que c'est vraiment la plus grande protection que l'homme peut se donner, de regarder à quel moment il sent que sa vie est plate? Je dirais que c'est une des mesures. C'est pas nécessairement la seule mesure. Pour contrecarrer l'ennui, l'individu pourrait aussi confronter chacune de ses pensées et à savoir d'où vient cette pensée-là. D'où vient la pensée de « bon, ben, vous avez le goût d'aller faire une marche, puis au moment où vous allez faire votre marche, vous perdez ce goût-là. Vous vous dites, ah, ça va être trop difficile, il fait trop froid. OK? Donc, il faut regarder des choses comme ça. Parce que la volonté peut être éteinte dans l'individu pour ramener l'ennui au premier plan. Ouais. Ça sera pas une société facile les années à venir. Mais j'aime bien le fait que vous ramenez ça sur le plan individuel, dans le sens que par rapport à l'ennui, ben c'est individuellement qu'on peut y faire face, tu sais. Oui, parce que la conscience se développe individuellement. L'homme ne peut pas aider l'homme. On a l'impression que l'homme peut aider l'homme. On ne peut pas aider l'homme. C'est l'homme qui va être confronté, c'est l'individu qui va être confronté à des... Puis il y a des individus qui sont confrontés à des grands, grands, grands chocs de vie. Ou des grandes, grandes difficultés parce que l'astral connaît l'enjeu de cette conscience-là, si elle traverse cet aspect-là. Et l'astral va jouer sur la pensée pour amener l'individu à être fou. Et quand l'individu vit, là, le tout va mal, là, quand ça va mal à un moment donné, avez-vous remarqué comment c'est chaotique tout ce qui se passe autour de la pensée qui vous atteint? On essaie de vous pénétrer de toutes les façons. Par exemple, vous êtes fâché, vous pourriez donner un coup de poing sur le frigidaire et vous briser la main. Mm-hmm. Hein? C'est des choses comme ça. Là. Alors, ça, c'est parce que quand ça va mal, l'astral le sait déjà que vous avez été ébranlé émotivement. Et si vous avez été ébranlé émotivement ou par l'ennui, assurément, elle va trouver une porte de sortie pour vous faire miroiter quelque chose. Puis si elle vous fait miroiter quelque chose, ben vous allez suivre ce courant-là. C'est pour ça que moi, que la créativité, je reviens à la créativité pour peut-être soulever un autre aspect de la créativité. La créativité, c'est l'activité de l'homme à être conscient en ce moment. Ça, c'est sa plus grande créativité, c'est d'être conscient de ce qui entre dans sa tête en ce moment. Et lorsqu'il va savoir et qu'il va être certain à 100% tout le temps que ce qui entre dans sa tête est intelligent, à ce moment donné-là, il va avoir l'autorité de gérer l'ennui parfaitement. Ça veut dire que il va savoir qu'est-ce que les forces de la lumière veulent faire avec lui, c'est-à-dire ben là, il va dire, bon, ben là, je m'assois dans mon salon, puis je fais rien, parce que déjà là, je fais quelque chose. Parce que le vase est plein, le verre est plein, et ou même s'il est vide, le verre est plein. Et à ce moment-là, l'individu va peut-être dire, ah, bon, peut-être que je pourrais écrire un texte sur quelque chose. Mais c'est certain qu'à ce moment-là, c'est un plaisir de vie. Et l'homme doit regarder beaucoup plus ses plaisirs de vie que sa créativité. C'est pour vous, c'est de peinturer, c'est un plaisir de vie. Vous donnez pas de forme à ce que vous peinturez. Mais si vous donnez une forme, oh, vous dites, ah, oh, ben là, je vais créer quelque chose. Vous n'êtes pas en mesure de sentir que c'est la lumière qui, indirectement, ou des forces ou des pensées astrales qui agit en vous. Comprenez? Dans le sens que si je peinture, puis j'ai pas d'intention égoïque qui se rattache ouais. à ça, de, par exemple, vouloir faire une plus belle peinture que j'en ai jamais faite ou de... Ouais, ouais. S'il n'y a pas de désir de l'ego à ce moment-là, ça revient à dire que c'est plus libre dans le mouvement, là. Oui, puis c'est de regarder qu'est-ce que les autres veulent faire, aussi avec vous. Mettons, vous êtes en train de peindre, puis vous dire, puis là, le double, il vous demande, est-ce que vous êtes bien? Puis vous dites, oui, je suis bien. Puis vous allez reconnaître que c'est la seule chose qui compte, c'est d'être bien. Si vous écrivez, vous n'êtes plus bien. Puis là, vous continuez d'écrire parce que vous voulez finir telle chose, bien, indirectement, et vous êtes sujet à vous faire astraliser. Parce que la santé, il faut que l'homme protège sa santé. C'est la chose la plus importante avant de vouloir être créatif. Y a-t-il bien des individus qui protègent leur santé? Pas beaucoup. On regarde tous les chanteurs, ils font beaucoup trop de spectacles pour rien. Puis à un moment donné, ils sont brûlés. Mais le problème, c'est qu'ils ont besoin de la foule pour vibrer. Fait qu'ils retournent faire le spectacle parce qu'ils ont trop d'ennuis à rester chez eux. Est-ce que Céline Dion pourrait arrêter de chanter demain matin? C'est une bonne question. Puis elle doit être sans doute accro à l'astralité de la foule qui la contemple, qui lui donne son admiration. C'est ça. Donc, elle va dire, puis après ça, tout le monde autour va dire, elle a fait un spectacle magnifique, c'est de très grand, c'est un art, c'est de la créativité. Ah oui, hein, c'est ça. C'est ça que c'est, de la créativité. Je savais pas. Tu sais, je suis sarcastique, mais je considère que chanter, si tu aimes chanter, chante. Puis si ce que tu chantes, c'est beau, les gens vont relaxer, ils vont s'harmoniser à travers ta voix, parce que ta voix va te permettre de t'harmoniser. Parce que le but de l'homme, dans le fond, là, c'est de s'harmoniser. Moi, si je parle avec vous, puis j'harmonise pas ma relation avec vous, puis je crée des chocs, puis je dis des choses indirectement, je sais que si je parle, ce que je dis, je ne sais pas ce que je dis, je fais que parler, moi. Ça fait que ça va dans le sens que je suis posé parler. Mais par contre, j'irai pas me mettre sur des sujets que je ne suis pas supposé parler. J'irai pas générer de la curiosité si je ne dois pas parler de ça. Donc, c'est cette façon-là que moi, je me protège de me faire astraliser. Je reste très loin de la curiosité. Par exemple, ça va servir à quoi, à savoir qu'en 2600, on est créatif, puis on va faire quoi? Ça va servir à qui? Ça va servir à personne. Mm-hmm. Par contre, de savoir que comment on est créatif dans sa vie personnelle, c'est en étant capable de gérer son ego à travers l'esprit, en tout temps, de gérer ses pensées. Ça, c'est le mouvement le plus créatif que l'homme va avoir dans les 100 ou 200 prochaines années. Mais excusez-moi, attendez une minute, parce que tantôt, vous l'avez amené, qu'on serait créatif en 2600. Mm-hmm. Et j'étais curieux de savoir pourquoi vous l'avez amené, si en bout de piste, ça ne nous sert à rien dans l'immédiat, tu sais. C'est une très bonne question, parce que l'homme qui parle ou l'individu qui va parler va avoir énormément d'informations. Vous êtes d'accord? Oui. Il va recevoir énormément d'informations. Et le danger après ça, c'est quand il reçoit de l'information, c'est qu'il attache l'importance à l'information qu'il reçoit. Et s'il attache l'importance à l'information qu'il reçoit, il peut tomber dans la croyance. Et il ne faut pas croire ce qu'on dit. Il faut rien que savoir, parce qu'il y a des gens qui écoutent probablement l'émission, qui disent « Ah, ça a l'allure 2006. Ah, ça a l'allure. » Puis pour eux autres, c'est une vibration qui sert à permettre de savoir que leur esprit savait ça. Donc, ça revient à de la créativité. C'est savoir, d'avoir la gestion totale de son esprit, de la pensée ou de ce qui est dit. Savoir « Ah, OK. Oui, moi je suis ça, moi. » Donc, l'individu, directement, il se réinvente à travers le fait qu'il découvre « Ah, ben ce que Marc de la Salle parle, je le savais, ça. » Mais lui, il s'amène plus loin dans sa conscience parce qu'il reconnaît dans sa conscience que ce qui est dit, il sait. Et c'est seulement le savoir qui compte. Le reste, c'est du blabla. Dans le sens que si on a de la curiosité, si on a de la fascination, on va vouloir savoir qu'est-ce que c'est le 2006. Et si on a de la fascination dans sa vie, c'est parce qu'on a de l'ennui. Oui, exactement. Parce que dans le fond, la fascination, tout comme l'ennui, ça vient du monde astral qui veut nous manipuler. Qui veut nous amener sur des interdits, des terrains où on ne sera plus capable de reconnecter avec son intelligence. Nostradamus, là, il était loin de son intelligence. Puis il faisait de la voyance, puis il faisait de la voyance, puis il pensait, lui, une de ses grandes, c'était de dire, ben, il va arriver telle chose dans le futur, il va arriver telle chose dans le futur. C'est vrai qu'il disait ça? Ben oui. Puis finalement, lui, il a fini dans la folie. Pourquoi? Parce qu'il attachait de l'importance à ce qu'il voyait. Il n'était pas capable de se détacher de ce qu'il voyait. Moi, par exemple, si je dirais, dans 10 ans, je vais faire ci, puis j'y attache l'importance, je vais en souffrir énormément. Pour la simple et unique raison que 10 ans, c'est long en sacrement, c'est la planète Terre quand tu es dans conscience, parce que il va y en avoir des oppositions pendant 10 ans. Fait que tu es mieux de pas savoir. Oui, dans le sens que ça créerait de la souffrance sur le plan psychologique. Oui, oui. Ou tu sais, si, parce que si tu attaches une forme, si tu as une pensée par rapport à ça, tu dis, « Bon, mais dans 10 ans, je suis posé faire ça. » Fait que là, tu vis de l'ennui encore. Parce que tu le fais pas. Oui. Il y a un décalage. Il y a un décalage qui peut se produire à travers la pensée. Quand on achète une pensée de ce genre-là, ça pourrait être pareil comme quelqu'un qui veut faire une émission de radio comme vous, puis finalement, ben, il le fait parce que il considère que c'est important de le faire. C'est un plaisir de le faire. Mais s'il le fait à toutes les semaines, puis il sait qu'il devrait arrêter de faire le mouvement, est-ce qu'il le fait par ennui? Donc, s'il le fait par ennui, il va être obligé de le regarder à un moment donné. Pourquoi qu'il le fait? Alors que s'il sait que vibratoirement, OK? C'est un plaisir de vie pour lui de faire ça. Ça lui permet de rencontrer des gens. Et indirectement, ça lui permet aussi de parler avec d'autres sur la vie, parce que la vie dans les années à venir, c'est sûr qu'elle devrait être étudiée. Et moi, une des raisons pourquoi que j'aime ça aller à votre émission, c'est cette raison-là. Vous aimez ça étudier. Mm-hmm. Vous n'êtes pas un casse-pied. Vous aimez étudier, puis vous gardez le fil des idées pour l'étude. Ça fait que il y a beaucoup de gens qui apprécient ça chez vous, j'en suis certain. Oui, ben dans la mesure du possible, j'essaie de respecter des thématiques que j'amène, que ce soit l'ennui ou autre, pour, dans le fond, participer ou accompagner les gens dans leur évolution, tu sais. Oui, ben ça fait partie des ajustements des consciences des individus de vouloir étudier, hein, ensemble ou en groupe, puis il s'agit de trouver le créneau. Moi, je le fais à travers les conférences. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les conférences, c'est inutile. Moi, je ne crois pas que les conférences sont inutiles, dépendant si la personne se réfléchit. Effectivement, ça peut être inutile. Mais c'est comme faire une émission de radio puis se réfléchir. C'est sûr que l'émission de radio risque d'être longue et plate parce qu'on va sentir l'ego de l'autre derrière l'émission. Vous comprenez? Quand ça sent l'ego, ça veut toujours dire que c'est pas l'individu qui parle. C'est plutôt son astralité en lui qui parle. Ça veut dire qu'il peut être assujetti à des formes sans le voir pour tout simplement créer ou créer, pas dans le sens créer, mais dans le sens ajouter à la masse psychique mondiale en se faisant passer une forme pensée qui génère dans un égrégore encore de l'énergie pour le mensonge cosmique. Comme si moi je dis des conneries, je vais à votre émission puis je dis des conneries, il y a des gens qui devraient le savoir. OK? Pour moi, pour ma part, je considère que qu'est-ce que je dis, ça se tient. Comment je mesure que ça se tient? C'est dans la continuité. Si je, dans un an, vous me parlez, puis j'ai plus le même propos, là, je commencerai à m'inquiéter. En autant que j'ai la même continuité, moi, je n'ai pas de problème à parler. C'est ma mesure à moi pour parler. Donc, il y a de la continuité dans le temps. Par exemple, si dans 2 ans, je vous reviendrai, puis je vous dirai, « Ah, c'est important d'aider le monde. » Moi, je me poserai des questions. Je veux dire, où est-ce que j'ai trouvé ça? Alors que je disais ce soir, l'homme ne peut pas aider l'homme. Donc, si je me compte des mensonges, si jamais on a fait 3 émissions, vous retournez en arrière, vous allez voir qu'il y a une continuité. Et c'est ça qui fait la démarcation de la conscience. C'est que l'homme va toujours vers des sommets plus hauts au niveau de l'élaboration de sa psyché et de l'étude qui va de plus en plus loin, dépendant avec qui il partage sa conscience pour étudier, parce que l'autre doit avoir le taux vibratoire pour supporter aussi la vibration de l'étude. Ça se comprend, ça? Dans le sens que l'autre doit avoir une capacité de contention qui est proportionnelle à la capacité d'expansion de l'émetteur. Et voilà. Et dans le sens aussi qu'il doit être capable d'entrer dans des nouveaux éthers dans les deux sens, parce que si vous recevez une personne puis elle va vous amener dans des états complètement nouveaux, c'est certain que votre champ de conscience va changer. Assister à une conférence, c'est ça que ça fait. Pourquoi? Parce que celui qui parle n'est pas important. C'est la vibration qui compte. Celui qui parle n'est pas important. À votre émission, celui qui parle n'est pas important. C'est la vibration qui compte. Si les gens vont dans la vibration, ils vont savoir se reconnaître dans cette vibration-là. Ils vont dire, ah, je peux pas dire que c'est pas intelligent. Je sais pas si c'est intelligent, mais au minimum, je peux pas dire si c'est pas intelligent. Fait que si l'individu est capable d'être dans cette vibration-là, il peut, à la limite, reconnaître que lui a la capacité de mesurer sa propre intelligence dans ce qu'il dit. Parce que il y a beaucoup de gens qui savent que l'ennui, c'est un piège. Il y a beaucoup de gens qui savent ça. On a dépassé ça ce soir, que l'ennui, c'est un piège. On est allé beaucoup plus loin, vous êtes d'accord? Ben oui. Donc, on pourrait dire que l'ennui, si on va encore plus loin, on peut aller encore plus loin. Puis je vais essayer de leur demander aux forces de sortir quelque chose qu'ils ne nous ont pas dit par rapport aux interdits de l'ennui. Regardez ce qu'ils vont me dire. L'ennui a permis à l'homme de se reposer astralement. Ça veut dire quoi, ça? Il veut dire, jamais il n'a voulu goûter à son intelligence parce qu'il s'ennuyait, parce qu'il avait peur de cette intelligence-là. Ça se tient-tu, ça? Ça fait-tu de l'allure pour vous? Oui, bien, ça revient à dire que l'homme n'était pas capable d'assumer son être, donc il vivait et dans voilà. La nuit. Vous voyez, vous êtes très bon dans l'étude, vous aussi, hein? Ben oui, ben c'est pour ça que je parle avec vous. Si on serait pas sur la même longueur d'onde, on se parlerait pas actuellement. C'est ça. Mais c'est ça l'étude, hein? C'est ça la beauté des individus qui se rencontrent, c'est de partager, de faire une étude. Moi, je le fais pas pour la créativité, je le fais parce que l'homme a besoin de parler. L'homme a besoin d'être aussi mis en vibration par rapport à la parole. Et si la parole met pas l'homme en vibration, c'est le corps astral qui va le faire. Et si c'est le corps astral qui le fait, il y a des bonnes chances que c'est le plexus solaire qui soit mis à profit et que les mémoires de la race humaine, à travers le mensonge cosmique, à travers les égrégores qui tournent autour de la Terre, pénètrent cet individu-là pour l'interdire de reconnaître la réelle profondeur de l'ennui qu'il y a sur sa conscience, pour l'empêcher d'être intelligent. L'empêcher. Et l'ennui, c'est dans la même réserve que le doute et la culpabilité. Une personne qui vit de la culpabilité est très loin de reconnaître le feu de son intelligence parce que dans cette culpabilité-là, elle oublie qu'elle n'est pas petite, qu'elle est grande. Et dans le doute, l'individu n'est pas capable de s'asseoir sur son intelligence pour établir que ce qu'on lui dit dans sa tête, c'est toujours de la manipulation s'il n'est pas capable de sentir lui-même son intelligence quand on lui parle. Moi, je peux vous dire que je sens mon intelligence, mais je ne peux pas vous dire, par contre, qu'elle est là à 100% tout le temps. Mais dans une conférence ou dans une émission comme ceci, si je ne la sentais pas, j'aurais des problèmes. Parce que ça veut dire que indirectement mon ego serait trop fort au niveau de la forme et l'esprit ne serait pas transparent dans l'ego pour communiquer un message qui se tient, dans le fond. Il faut que le message se tienne, il faut que ça aille à quelque part. Où est-ce que ça va de parler de l'ennui? Ben, ça va à l'éclatement d'une des vérités qui était donnée à l'homme depuis des années, qu'il était créatif. Oui, c'était une illusion, dans le fond. L'illusion que la personne est créative. Ouais. C'est facile de dire, bon, mais là, je m'ennuie, je vais aller peinturer. Je vais être créatif. Oui, mais qu'est-ce qui est rentré dans ta tête avant, là? C'est peut-être plus important qu'à d'aller peinturer. Si t'es bien dans ta peau, t'es bien, tu dis, ah, moi, j'ai le goût de peinturer aujourd'hui. C'est différent que si, ah, ben là, t'es assis chez vous, tu t'ennuies, puis là, tu décides d'aller être créatif, d'aller peinturer. Je constate qu'ils en ont dit pas mal ce soir par rapport à ça, parce que moi-même, là, le texte que j'ai écrit, je constate que je me rappelle aucunement de qu'est-ce qui est écrit. J'ai aucune idée de qu'est-ce que j'ai écrit, mais je pense que ce soir, on va beaucoup plus loin que le texte. Oui, et c'est ça la mainmise de l'homme, de gérer qu'est-ce qui entre dans sa tête. Et s'il gère bien ce qui entre dans sa tête, il va savoir que sa vie, c'est une vibration. Ce n'est pas une pensée. La pensée, oui, entre dans sa tête. Elle veut être jumelée à un ego intelligent, transparent, parce que c'est à partir d'un ego transparent ou intelligent que la vibration de l'homme, le feu de la parole, explose dans la conscience de l'homme. Et quand ce feu-là explose, il n'y a plus d'interdit. On ne peut pas lui interdire de savoir tel ou tel sujet, parce que cela voudrait dire qu'on veut le mettre à mort. Et il n'y a pas personne qui va me mettre à mort, même si je vis des fois des grands conflits. Imaginez les gens qui rentrent dans la conscience, là, au début de la conscience, c'est difficile. Parce que là, on doit détruire tout leur ego. Vous êtes d'accord? Ben oui. Ah oui. Fait que il n'y a pas personne qui vit ça facilement, la destruction de l'ego. Là. C'est énormément difficile. Parce que pendant des millénaires, l'homme a laissé l'âme envahir sa vie, puis l'ego est devenu une personnalité incroyable. Et je regardais simplement le phénomène de la commotion cérébrale au hockey, juste pour vous donner une idée. Hein, il y en a de plus en plus. Ouais. Et là, il y a la beauté de ce jeune homme-là, qui est Sidney Crosby, qui est un grand joueur de hockey, un homme très, très simple, mais très professionnel dans toute son approche. Et là, il vit la commotion cérébrale, puis ça fait un an qu'il n'avait pas joué au hockey. Peut-être qu'on l'a laissé seulement jouer 10 parties, et sa carrière est peut-être finie. Mais ça va servir. Ça va servir. Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de commotion cérébrale? Bien, le magnétisme de la planète est en train de changer. Si le magnétisme de la planète est en train de changer, les cellules, les énergies des cellules sur la planète changent aussi. Ça suit, ça, hein? Ça va ensemble. Donc, possiblement qu'un individu comme lui, sensible, va être obligé de regarder sa vie et d'être un exemple. Mais ça, c'est pas un mouvement d'intelligence, c'est un mouvement qui sert la conscience astrale de la société à un éveil prochain, plus grand. Mais c'est quand même une chose qu'on peut observer. Ce jeune homme-là, il vit un grand choc de vie depuis que joueur hockey. C'est toute sa vie qui passe, là. C'est toute sa vie qui passe. Il a joué. C'est ce qu'il a voulu faire toute sa vie, puis là, on va lui dire, c'est fini pour toi, mon garçon. Donc, c'est ça le choc à l'ego. Est-ce que ça va servir à l'amener à être conscient, peut-être? On ne sait pas. Oui, on pourra en juger dans quelques années, là, tout dépendant de qu'est-ce qu'il va faire de cette expérience-là, tu sais, puis qu'est-ce qu'il va y passer aussi par la tête. Oui, c'est ça. Parce que, de toute façon, lui, il va être obligé de se réinventer, comme la plupart des gens. Et il y a beaucoup de gens qui passent à travers ces mouvements-là, puis ils disent ils s'ennuient du hockey, puis ils vont retourner jouer au hockey jusqu'à temps que ça soit évident qu'ils puissent pas jouer. Ils sont prêts à mettre leur santé en danger pour donc c'est un mouvement astral, c'est certain. Le but de l'homme, c'est pas de mettre en danger sa santé. L'homme doit protéger sa santé. Est-ce que lui va être capable de le faire? Il va être obligé de faire face à l'ennui s'il veut arrêter de jouer au hockey, parce que indirectement, il va falloir qu'il protège sa santé. Mais ça, il ne sait pas que sa santé, c'est plus important. À un moment donné, il va peut-être le savoir, mais parce que là, il y a suffisamment de millions pour arrêter de jouer au hockey. Mais est-ce qu'il est capable? Oui, ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il est capable de vivre avec cette décision-là? Que sa vie était toute centrée sur le hockey. La polarisation de son existence, focalisée juste sur une chose, c'est un des pièges aussi que l'individu peut vivre. Oui, c'est ça. Donc, indirectement, faut vraiment que l'individu soit capable de se réinventer. Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour se réinventer? Ça dépend de son plan de vie. Mais ça, c'est tout le monde qui vit ça. Quelqu'un qui rentre dans la conscience, quand il vit un choc de vie, ça, il sait pas que c'est pour vivre un plus grand bien-être avec lui-même dans 4 ans, 5 ans. Généralement, les gens qui sont dans la conscience en arrachent, puis pas à peu près, parce que c'est difficile de vivre choc après choc, expérience, délusionnement après délusionnement, tu sais. Puis à travers ça, ben l'individu il essaie de savoir ben c'est quoi de l'esprit, c'est quoi de l'ego, c'est quoi de l'âme, c'est quoi une pensée astrale, c'est quoi une pensée mentale, c'est quoi le mensonge. Donc c'est une grande aventure, la conscience. C'est une grande aventure, mais je dis ça une grande aventure dans le sens que c'est une grande aventure de merde pour l'instant, mais parce que c'est très difficile de vivre sa conscience. Est-ce que les plans de la lumière vont faire plus pour l'homme? Oui, parce qu'ils permettent l'information de circuler davantage. Imaginez la vie de Bernard de Montréal, il était un des premiers lui à faire face à cette grande adversité-là. Puis là, il y en a d'autres qui sont rentrés dans cette conscience-là, puis qu'ils partagent, puis il y a plus d'informations qui circulent. Il y a beaucoup de gens qui essaient d'amener un peu d'informations qui peut permettre la structure de la conscience supramentale sur la Terre. Il y a aussi beaucoup d'ego. On remarque qu'il y a beaucoup d'ego dans ces sujets-là, de ces sujets d'études. Plusieurs personnes cherchent à se mesurer, même si c'est de la conscience. Moi, je pourrais pas dénigrer aucune personne qui est dans ce mouvement-là. C'est sûr que si on me pose une question par rapport à tel individu, je vais certainement être neutre, parce que chaque personne, avec la conscience qu'il a, veut faire quelque chose qui permet à une société intelligente de s'établir. Mais est-ce que chaque personne connaît la coloration de son ego à travers la forme de la conscience supramentale? Ça, c'est une très, très, très bonne question. Ouais, c'est une question très pertinente que vous posez, parce que l'un des pièges, c'est que les gens qui ont été pendant des millénaires dans des consciences religieuses, philosophiques, mm-hmm. interprètent la conscience supramentale avec déjà une structure qui vont essayer de compartimenter en fonction du formatage dans lequel ils ont baigné pendant des millénaires, là, tu sais. Oui. Puis même ceux qui sont dans la conscience supramentale peuvent se faire jouer dans des formes d'orgueil mental. Il y a de l'orgueil, des fois de l'orgueil mental qui peut rentrer dans une conscience. Parce que c'est sûr que comment est-ce qu'on fait pour détecter l'orgueil mental? C'est très difficile parce que le propos va sembler intelligent tout le long. OK? Ça va se tenir. La forme va se tenir, mais la vibration ne sera pas au rendez-vous. Et comment qu'on fait pour reconnaître une vibration? C'est le défi de l'homme. C'est le défi de l'homme de reconnaître c'est quoi une vibration. C'est quoi sa vibration. Comme moi, je considère que depuis tantôt, je ne suis pas fatigué. Et je n'ai pas vécu de fatigue durant l'émission. Et pourtant, bien souvent, des fois, après une heure, je peux avoir une baisse d'énergie. Je ne sais pas si c'est vous la même chose, mais je constate que la vibration est encore là. Pour moi, ça ne veut pas dire que les gens ou vous sentez que c'est une vibration, mais pour moi, elle est encore là. Et c'est tout ce qui compte. Oui, mais pour moi aussi, oui. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on peut savoir s'il y a énergie ou pas. À travers. Par exemple, si je vous dirais, j'aimerais ça encore parler une heure parce que j'ai encore plein de choses à dire. C'est pas comme ça que ça fonctionne, une vibration. C'est pas une vibration, ça. Ça, c'est quelqu'un qui veut parler. C'est pas la même chose. Par exemple, là, si je vous dirais, probablement que dans 10 minutes, on va avoir fait le tour de la question. Ça se pourrait que ce soit ça. J'ai déjà une mesure de la vibration de ce que moi, je considère peut arrêter, mais ça ne veut pas dire que ça va être ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soulève une question sur votre réseau, à vous, là? Je vais vous dire que, bien honnêtement, les gens se sont mis à discuter entre eux. Ah bon? Là, ils parlent d'Élisabeth. Je ne sais pas s'ils parlent d'Élisabeth II. C'est parce que, pour être honnête avec vous, j'ai vraiment focusé plus sur vous dans les dernières minutes pour... Okay. Pour suivre votre propos que les commentaires des gens. Tantôt, j'avais eu des commentaires quand même intéressants, mais c'était à côté un petit peu de notre propos. Mais quand même, ça peut être intéressant de l'aborder. Il était question du double et du fait que dans le fond, ce que la personne disait, c'est que, OK, la fusion passe par l'harmonie avec l'ego transparent qui ne réfléchit plus la lumière et l'âme dépolluée de sa mémoire expérientielle. C'est en plein ça. Vous voyez, moi, je peux pas aller contre ça. C'est intelligent. Ça, c'est Dieu qui a amené ça. Oui, c'est bien dit. C'est en plein ça. Donc, il y a des gens qui ont des vibrations, des énergies particulières qui peuvent avoir accès au même savoir, mais ils vont le dire autrement. Ça, par contre, je considère que dans la conscience supramentale, il y a un vocabulaire qui est installé et qui va demeurer. Comme ce jeune homme-là, il utilise double cosmique, ou cette personne-là, je ne sais pas si c'est un jeune homme, mais il utilise le nom, le terme double cosmique. Mais double cosmique, ça a dans l'ensemble une certaine vibration. OK? Puis, dans le propos qu'il avance, effectivement, l'âme va devoir se dépolluer, il va y avoir de la transparence dans l'ego, etc. Et c'est ça, la fusion. Si moi, je le dis dans mes mots, je vais dire la même chose que cette personne, soit que la fusion, c'est la capacité de l'homme, dans sa conscience, d'être sien à 100% que son ego est transparent. Donc, on dit la même chose. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres observations? Là, il y avait Vincent qui disait « L'ennui, c'est un état inventé par la pensée, manipulé, parce qu'en gros, quand le monde s'ennuie, c'est quand ils n'ont rien à foutre et pas d'idées. Mais dans le fond, quand ils n'ont rien à foutre, c'est qu'ils sont seuls avec leur conscience. Et au lieu de dire « Je suis la conscience dans le moment présent », ils appellent ça l'ennui et ils se sentent mal. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. J'aime bien ça, moi aussi. Ça se tient tout. Il n'y a pas de mensonge pour moi qui est compté dans ça. C'est bien dit. Parce que le début, c'est quoi? L'ennui, C'est un état inventé par la pensée manipulée. Ouais. Oui, bravo, bravo. C'est en plein ça. C'est en plein ça. L'ennui, c'est un... donc, ça se partage, la conscience. Hein? Ça se partage. C'est ça, la beauté de la conscience. Sinon, mais quand il n'y a pas cette beauté-là de la conscience qui se partage, parce que moi, là, je pourrais renchérir, « Ah, mais j'aime pas tel mot de qu'est-ce qu'il dit. » Non, je suis obligé de rester, pour moi, avec la vibration de ce qu'il dit. Par exemple, si on dit, « Bon, ben l'ennui, c'est on n'est pas capable de s'aimer. » Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. L'ennui, on n'est pas capable de s'aimer. Ça n'a aucun rapport, parce que l'ennui, c'est comme la personne a dit, c'est un état manipulé. C'est quoi s'aimer? S'aimer, c'est savoir qu'est-ce qu'on rentre dans notre tête et simplement dévoiler que l'homme n'a pas besoin de s'aimer. Il a besoin de savoir qui il est. Il y a une grosse crise de différence. La psychologie moderne voulait que l'homme s'aime. C'est pas important d'apprendre à s'aimer. Apprenez plutôt à savoir qu'est-ce qui rentre dans votre tête et vous allez voir que tout va changer. Ouais, ben c'est une nuance qui est apportée parce que la notion d'amour est venue, entre autres, en lien avec le christianisme, où ce qu'on parle, tu sais, d'aimer les autres. Puis là, ils ont voulu ramener ça à l'amour de soi pour compenser parce que les gens étaient trop tournés vers l'extérieur en ayant une attitude trop altruiste ou trop spiritualisée là, dans le sens pervers du terme, tu sais. Puis l'homme n'a pas à se tourner envers lui-même pour s'aimer, parce que ça devient de l'égocentricité. L'homme a besoin de se retourner en lui-même pour savoir qui il est, d'où il vient et où il s'en va. Quand tu sais qui tu es, qui tu t'en vas, où tu t'en vas, tu n'as pas besoin de t'aimer. Tu apprécies déjà qui tu es, puis tu ne trouves pas de défaut parce que tu n'en as pas. La seule chose que tu sais, c'est que tu es en voie de conscience, ta conscience se développe parce que, pour une fois, tu as compris que la pensée venait d'ailleurs. Comment tu peux te trouver un défaut quand tu sais que la pensée vient d'ailleurs? C'est impossible. Tu peux reconnaître que dans ton comportement de personnalité dans les années passées, tu étais porté à l'ennui, tu étais porté à la culpabilité. Mais tu ne t'associeras pas à cette pensée-là parce que tu sais que l'interaction de ta conscience avec l'esprit et l'ego qui prend de la transparence va faire éclater ça. Donc, tu dis, oui, jadis, j'avais tendance à me taper sur la tête quand je faisais quelque chose de mauvais, je m'ennuyais, mais jamais la personne va prendre ça pour du cash, dans le sens qu'elle va dire, oui, moi, ben, je suis encore comme ça. Non, non, ça, c'est les forces astrales qui vous disent que vous êtes encore comme ça. Parce que c'est pas vrai, par contre, qu'on va devenir, on va tomber dans la fusion du jour au lendemain. On va tous vivre des petits c'est l'impression des fois qu'on fait deux pas en arrière est réelle des fois, parce que les tests sont très difficiles à passer des fois. Mais dans le fin fond, l'homme fait deux pas en avant, puis il en fait un en arrière. Mais il en fait toujours deux en avant. Mais ça, c'est pas évident à savoir quand tu vis des fortes oppositions. Ouais, ben c'est ça, surtout quand on est pris dans des situations d'adversité, que ce soit problème de santé, problème financier, oui. problème amoureux. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. On vit l'impression qu'on fait deux pas en arrière, puis finalement, on en fait deux en avant, mais quand on vit la souffrance, on fait effectivement, on doit se reconstruire encore, se regrouper, se recentrer, parce qu'on a été ébranlé dans le corps émotif. Puis là, arrêter ça, le corps émotif, des fois, c'est long. Hein? La pensée qui est associée à ça, qui revient, qui joue qui joue comme une sirénade dans notre tête. Puis là, c'est incroyable. Moi, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment des malades, parce que la conscience, c'est pas si facile que ça à développer. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et les années à venir vont démontrer que plus l'homme va être mis dans des adversités, plus il va perdre sa conscience. Et ceux qui vont être le moindrement préparés, ceux qui ont suffisamment un taux vibratoire, vont être capables de savoir qu'est-ce qui se passe. Moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait beaucoup plus de gens un peu qui s'intéressent à la conscience, parce que ça va aller extrêmement mal sur la planète. Vous voyez ça vous aussi, je suppose. Oui, c'est sûr que de mon côté, en fait, on n'a pas besoin d'aller très loin pour fouiller. On dans nos bulletins de nouvelles, on est déjà averti que actuellement, il y a des grands troubles économiques en Europe. Nos ressources naturelles aussi, il y a plein de gens qui ont fait des reportages sur les problèmes de pollution. Ensuite, il y a des problèmes aussi dans certains cas de surpopulation de certaines parties du globe. La mauvaise répartition des ressources, les manifestations qu'on a eues à Wall Street cet automne pour nous rappeler le fait qu'il y a une petite poignée d'individus sur Terre qui détiennent l'ensemble des ressources, donc une minorité de riches pour une majorité de pauvres. Mm-hmm. La Syrie aussi, oui, le réveil avec le printemps arabe, donc la Libye, la Syrie, l'Égypte qui ont eu des troubles sociaux dans les dernières semaines, les derniers mois. Puis ça semble ne pas être fini, ce réveil. Ah, non, ça c'est rien que le début du début. C'est tout le début du commencement, ça. Donc, sur ça, c'est certain que l'homme va devoir se réinventer assez rapidement, plus ça va aller, et trouver des points de repère pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Par exemple, un homme qui tue sa femme, ou un individu qui va en Belgique, par exemple, à Liège, puis lance des grenades. Si l'homme ne voit pas que derrière ça, il y a un mouvement, une possession de l'esprit, il ne s'en sortira jamais. On ne sait pas en donnant des pilules aux gens dans les années à venir qu'on va comprendre le phénomène de la pensée. Donc, ça va être... C'est pour ça que l'ennui, vraiment, c'est probablement, ça va servir énormément à créer du déséquilibre. Mais pour celui qui est capable de voir, ça va servir aussi à le pousser à rentrer dans son esprit, à se choquer, à se révolter contre une pensée qui veut le magnétiser à une forme d'interdit quelconque pour pouvoir connaître le réel. Le réel, c'est quoi le réel? C'est la capacité d'être intelligent tout le temps. Je pense que je l'ai pas mal tout dit. Oui, on a pas mal fait le tour. En fait, vous me direz ce que vous en pensez. Je viens de recevoir un flash que, dans le fond, dans les prochaines années collectivement, ce qui va arriver, c'est que les individus qui sont plus fragiles ou plus faibles, ils vont sombrer dans folie et ils vont être éliminés. La cinquième race va être éliminée. Puis les plus forts, entre guillemets, vont passer à travers le choc vibratoire par rapport aux nouvelles énergies qui descendent, puis ils vont faire la sixième race. Et voilà, c'est pas mal ça. Effectivement, je suis parfaitement d'accord avec ça. Ouais, parce que c'est ça, il y a des forces retardataires, puis il y a des âmes qui sont retardataires, sans mentionner des êtres humains, parce que l'homme, c'est un grand être, mais il y a des âmes qui sont retardataires. Tu sais, quand on parle de forces retardataires, on peut pas parler de l'homme en tant que tel, parce que c'est les autres qui ont créé l'homme. Mais l'homme intelligent, mais l'âme, c'est de la merde. Puis l'homme est pas prêt à savoir que l'âme, c'est de la merde. Fait que il y a des âmes qui ne pourront jamais subir le choc du réel de savoir que leur âme, c'est de la merde. Fait que ils vont être obligés de les envoyer sur une autre planète à un moment donné. Faire de la relocalisation. Pour, puis ça va être le travail de la régence planétaire. De réorchestrer. Parce qu'il va y avoir des règlements très, très sévères pour les âmes qui vont devoir s'incarner après un certain temps sur la planète Terre. Ça va être beaucoup plus réglementé que ça l'est présentement. Donc, sans rentrer dans la curiosité, c'est pas mal tout ce que je crois que je pouvais vous dire ce soir. Oui, ben en tout cas, ça a été intéressant, encore une fois, de vous recevoir. Oui, moi, le plaisir est pareil. Oui. Et puis, ben peut-être en complétant, je vais rappeler aux gens que vous avez un site internet, marcdelassalle.com. Donc, les gens qui ont aimé l'invité de ce soir, ben vous allez pouvoir aller sur son site web. Je vous laisse là-dessus, puis parfait. Je vous souhaite peut-être une bonne fin d'année dans le contexte de 2011. Oui, exactement. Puis peut-être au plaisir de se reparler en 2012. Oui, ce serait très agréable en 2012 de se reparler, effectivement. Donc, c'est parfait. Donc, à bientôt. OK, bonsoir. Merci. Et bonsoir à tous vos auditeurs. OK, bye. Bye.